Alors. Eh merde, c'est pas ça du tout. Comment on fait? Time Mercury, Sentinel, option. Eh ben je sais pas. Et que ça? Putain, normalement on peut bien machiner le volume là, bordel de merde. Eh non? Option, machin. Time mark non. Synchro. Eh merde, putain, ça me fait chier. Bon. Ulysse. J'espère que ça enregistre correctement.